aller chercher de l'ouest au nord, du sud à l'est, constater un par un la somme de mes échecs. J'ai traversé pour toi nombre de contrées étrangères, j'ai transpiré parfois même sur les chemins de pierre. J'ai questionné, souvent pris sans compter, mais à mes requêtes seul le silence s'est fait entendre. Don't.